Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Oui. Des... Clip, crack, des... Bang, des... Bang, et des... Zip, shibam, pow, flop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait... Bonsoir, vous êtes dans Moiteur et Tremblement sur RQC 95 FM. Bonsoir Lou. Bonsoir Dim. Bonsoir les coquins. Nous sommes heureux d'inaugurer cette nouvelle émission en toute intimité avec vous. Dis-nous en plus Lou. Ce petit rendez-vous mensuel sous forme de 5 à 7, les premiers lundis du mois, pour partager avec vous vos débats existentiels, mais surtout sexuels. Ah oui, sexuels. Avec tout le monde. Je ne suis pas un garçon facile. Oui, justement. On attend vos réactions sur la page Facebook Moiteur et Tremblement. Nous allons essayer d'éveiller nos sens et de balayer les tabous. La sexualité, la sensualité, mais aussi la baise. Tu vas un peu vite. Un petit préliminaire musical avant. On reprend Gainsbourg avec Comic Strip. Et Je t'aime moi non plus, toujours de Gainsbourg, juste après. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Oui. Des... Clip, crack, des... Bang, des... Flop, et des... Zip, shabam, pow, blop, wheel. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Top. Je suis là, crack, pour te protéger. Shack. Ferme les yeux, crack, embrasse-moi. Smack, shabam. Mon amour, Eh bien, bienvenue à tous, coquines et coquins. Nous sommes dans une nouvelle émission sur RQC 95 FM qui se nomme... Moiteur et tremblement. Moiteur et tremblement, une nouvelle émission que vous retrouverez les lundis, les premiers lundis du mois sur 95 FM ou sur Internet. Nous avons aussi une page Facebook. Sur laquelle on vous attend pour partager avec nous ce petit moment, interagir. Posez vos questions. N'hésitez pas, nous sommes tout ouverts. Toujours. Toujours. Voilà, donc une émission, comme je vous disais, tard le soir. Pour les oreilles un peu averties quand même. C'est ça. Si je reprends le descriptif de notre émission, un besoin pressant d'exquis et de tendresse, mais pas trop. Les psy-moiteurs, c'est nous, les psy-moiteurs. A priori. Vous donne un 5 à 7 furtif le premier lundi du mois. Comme le programme est destiné aux oreilles averties et aux autres organes en éveil, l'émission se déroule après 22h. Donc nous serons ensemble jusqu'à environ 23h30, un petit peu plus, si affinité, soyons fous. Et nous allons essayer d'aborder des thèmes autour de la vie de couple, la sexualité, la sensualité, l'amour, vaste sujet. Et aujourd'hui, on a décidé de parler un peu plus des rapports... Déjà homme-femme. Enfin. On va commencer, avant d'aller plus loin entre nous, on va commencer quand même par le début, le béaba, hein, les premières rencontres. Et une fois n'est pas coutume, Dim, je vais prendre la défense des hommes, car ils en ont bien besoin. Dans ces relations amoureuses, hommes-femmes, hommes-hommes et plus. Aujourd'hui, les rôles, les possibilités, le champ du sexuel a évolué, et tant mieux. Mais notre rôle à chacun... La place des hommes. Oui, les femmes se sont battues, ont fait des sacrées avancées, tant mieux. Elles se battent encore, mais les hommes, eux. Est-ce qu'ils ont vraiment demandé l'égalité sexuelle? Pas sûr. Et si oui, est-ce qu'ils s'attendaient à tout ça? Aujourd'hui, les hommes sont quand même confrontés à un rôle très différent. Et je me propose de réfléchir avec vous à tous les méandres dans lesquels ils se plongent au début de ces premières relations amoureuses. Parce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus besoin, en termes propres, des hommes, ni pour l'argent, ni pour se protéger, et encore moins pour décider. Adieu le modèle patriarcal de nos ancêtres. Mais quoi alors? Quelle place doivent-ils prendre? Et franchement, dans ce nouveau contexte, je suis contente de ne pas être un homme. Une petite musique. Un petit fond musical. Ah oui. Ça manquait de douceur, peut-être. Alors, dans ces premières rencontres amoureuses, je crois qu'il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. Parce que l'homme, déjà, dès le début de la rencontre, quelle place doit-il prendre? Est-ce que je dois être proactif? C'est moi l'homme, c'est moi qui dois séduire, c'est moi qui dois ouvrir la danse. Et en même temps, je ne dois pas paraître trop sûr, trop viril. Mais voilà, j'ai quand même peur de me prendre un râteau accessoirement. Mais j'y vais. Tout en nuances. Après, le premier rendez-vous. Le choix du premier rendez-vous, effectivement. Est-ce que je choisis un lieu branché pour montrer que, bon, c'est pas si important que ça, ce premier rendez-vous? Ou au contraire, un lieu un peu love to love, pour être sûr d'assurer la deuxième partie de soirée? En même temps, au moment de l'addition, cruel dilemme en tant qu'homme. Est-ce que c'est moi qui paye? Est-ce que si je paye, elle va sous-entendre un excès de confiance? Un peu trop de machisme? Après, j'ai envie de dire, revenons même avant d'être au restaurant. Moi, je pense que... Alors, on le sait bien, l'arsenal de la femme, la jupe, le maquillage, c'est son apanage. Mais je pense que les hommes aussi se prennent la tête avant de venir à ce premier rendez-vous. Il faut être looké, mais pas trop, parce que quand même, il faut pas avoir l'air de sortir du travail. Et en même temps, il faut avoir des habits relativement pratiques parce que on va pas se raconter d'histoire. Le but est quand même de conclure. Donc voilà, plein un petit échantillon de toutes les petites questions que peuvent se poser les hommes avant même la rencontre. Après, d'autres questions peut-être un peu plus coquines se posent les hommes. Après, Dim, tu m'arrêtes hein, si tu n'es pas d'accord avec mes diverses divagations. Continue, je t'arrêterai si tu vas trop loin. Alors, si je peux conclure, peut-être même avant de conclure au restaurant, si je veux ne pas me prendre une grosse gamelle avant d'avoir payé l'addiction, regardez dans les yeux la femme qui évidemment s'est parée normalement de ses plus beaux atours et restez concentrée sur son débit de parole alors que dans ma tête, il y a une idée prégnante. Où est-ce qu'on va après le restaurant ? Chez moi ? Chez elle ? Et surtout, est-ce que je vais assurer ? Est-ce qu'au niveau de la sexualité, je dois prendre tout en main, la laisser venir, la jouer pro du Kama Sutra ou quand même un peu pudibond pour ne pas l'effrayer ? Mais encore avant, hein, on va dire après le restaurant, au moment où on a choisi le lieu, tous ces moments-là, toutes ces questions-là qui nous hantent, de savoir si on va être un bon amant. Alors, je vous passerai évidemment, j'imagine, les questions existentielles des hommes sur la taille de leur... Oh. De leur haut. Oh. Voilà. Trop grand, pas assez, vigoureux. Est-ce que je dois partir armée ou au contraire, comme dans certains films... Déchargée. Voilà, déchargée. Pour être sûre de pouvoir assurer toute la nuit. Mais... même avant ça, moi je me suis toujours dit, aujourd'hui, bon, on est sur l'égalité homme-femme. Les hommes et les femmes doivent avoir une capote lors de la première soirée. Mais c'est quand même souvent à l'homme de penser à ça. Et je me suis toujours dit, est-ce qu'ils se prennent autant la tête que nous à se dire, où est-ce que je dois la mettre, cette fameuse capote ? Elle doit être accessible, histoire de ne pas casser au moment où je vais conclure. Et en même temps, pas trop visible, pour si elle tombe dessus malencontreusement, qu'elle ne pense pas que je suis trop prétentieux et sûr de conclure. Voilà un peu, moi, l'éventail, pour dire, messieurs les hommes, c'est vrai que c'est pas facile votre place. Eh non, ce n'est pas facile et tu as pu brosser un portrait de tout ce qu'on peut se poser comme question. En même temps, la dernière question que je me pose, vous êtes des hommes ? Oui. Est-ce que vous réfléchissez vraiment à tout ça ? Faut pas croire, Lou. Nous aussi, nous réfléchissons. Ça va peut-être un peu plus vite, on conclut peut-être plus facilement, on trouve une réponse plutôt rapide. Peut-être des fois à côté de la plaque, oui, je sais, on peut être maladroit. Mais ce n'est pas évident non plus ce premier rendez-vous pour une femme. Ah bon ? Eh oui, t'es sûr de toi ? Oui, j'ai recueilli beaucoup de témoignages. De ces femmes qui passent un premier rendez-vous. Fais-nous part de tes... Et comme tu disais, la société a évolué. Aujourd'hui, le féminisme est très, très prégnant. Et la jeune femme qui se prépare pour son premier rendez-vous peut se poser une genre de question. Les féministes disent que je dois me respecter, mais ça veut dire quoi, bordel de merde ? L'important, ce serait pas que je prenne mon pied ? Bonne question. Je dois laisser voir sans trop montrer. Tu disais que monsieur doit regarder, doit apprendre à regarder, sans trop fixer. Mais qu'est-ce que je lui montre ? Et jusqu'où ? Décolleté niveau porte close ou maison close ? C'est une vaste question et c'est un choix qui peut prendre du temps devant ma garde-robe. Je dis ma garde-robe, je... Non, tu es dans le personnage, je sens que tu vis ça. Ouais, ouais. Et puis le rendez-vous, on s'est donné une heure, un endroit. J'arrive à quelle heure ? J'arrive à l'heure prévue ? Un peu en avance ? Est-ce que ce serait un peu pressé si j'arrive en avance ? Mais comme lui, il va peut-être hésiter aussi à cette question. Va-t-il lui arriver à l'heure en avance ? C'est cornélien pour trouver, donc. On appelle quelques copines qui ont de l'expérience pour prendre conseil. À l'heure, un petit peu plus tard, beaucoup en retard. On peut le faire attendre. Et puis, tu nous parlais du moment du repas. Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que j'évite de manger? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce que j'aurais préféré qu'il évite? C'est pas évident ça non plus. Ça peut aussi casser les envies. C'est ça, réfléchissez. C'est vraiment un gros moment de réflexion. Mm-hmm. Hein. Le laisser-aller n'existe pas vraiment dans ce premier rendez-vous. Pas dans les premières rencontres, hein. Qu'on soit d'accord. Au moment de l'addition, je paye ma moitié. Et là, c'est moitié-moitié, chacun chez soi. Ou alors je le laisse payer. Mais s'il paye, je vais devoir rembourser. Et souvent, on imagine bien que c'est du remboursement en nature. Est-ce que je le veux vraiment à la fin de ce repas? Et puis ma chatte. Oui. Oui, Jim, vas-y. La femme est libérée aujourd'hui. Elle parle de sa chatte ouvertement. Clairement. Celle des années 80 ou un berbe? Quelle longueur choisir? Pour le poil. Oui. Oui. Donc quel message j'envoie en fonction de la longueur de mon poil? C'est un peu le même problème avec ce décolleté. Toujours une question de longueur, même pour les hommes. Oui, c'est vrai. Mais deux niveaux et pourtant deux réflexions qui peuvent prendre du temps. Et puis après, quand on a dit, bon, ça peut aller plus loin, ça sera chez lui ou chez moi? Et si c'est chez lui, est-ce que les draps seront propres? C'est une question importante, ça. Une vraie question. L'hygiène, très important chez les femmes. Oh, oui. La question de l'hygiène. Et si c'est chez moi, comment je le fais partir demain matin? Je paye le petit-déj, je lui prépare ses tartines. Et puis quoi encore ? Je feins la grasse matinée jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il s'en aille, qu'il est de trop dans mon dimanche matin. Et le mec en face de moi, est-ce que je lui fais peur ? Parce que, à entendre Lou, dans Moiteur et Tremblement, il se pose aussi énormément de questions. Qu'est-ce que je fais pour le rassurer ou je maintiens ce frisson, cette peur? En fait, une femme, ça se prend aussi toujours la tête à essayer de savoir ce que l'autre va penser. Vouloir à tout prix faire une bonne impression. Parce que les femmes, quand même, sont des princesses. Ou pas. Si vous avez des expériences de premier rendez-vous, des princesses ou pas rencontrées, des princes charmants... Ou des grosses grenouilles qui, malgré le premier baiser, sont restées d'affreux crapauds. Voilà. Si vous avez ce genre d'anecdote à nous raconter, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur notre page Facebook. Nous raconter votre premier rendez-vous sur la page Facebook de Moiteur et Tremblement. Et puis, on se fera un plaisir de raconter ce qui vous est arrivé, avec votre permission, bien sûr. Bien sûr. On se retrouve juste après une petite coupure musicale où on parlera un petit peu plus en détail des différences hommes-femmes. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, ces inégalités, ces différences? Je sens que toi, tu as potassé la question. J'ai potassé. Ah, ça sent la personne qui a préparé. Allez, on se retrouve juste après Marvin Gaye, Sexual Healing. Eh, on reste dans le thème. À tout de suite. c'était Marvin Gaye avec Sexual Healing. Parce que c'est vrai que la musique dans tout ça, un peu de douceur, un peu... C'est aussi une forme de préliminaire, quand même. Ah, les préliminaires. Ah. Oh, c'est une question qu'on abordera forcément. Oh ben, inévitablement, j'ai envie de dire. On est obligé d'y passer. Ou pas. Seulement entre adultes consentants. Donc on parlait un petit peu des différences hommes-femmes. On est toujours en train de dire les hommes sont tous les mêmes. Les femmes, pareil. Oh. Toutes les mêmes. Toutes les mêmes. Toutes des salopes, sauf ma mère et ma sœur. Oh. C'est un peu ce qu'on peut dire. J'ai cru entendre. Je n'ai pas de sœur. Et donc voilà, les comportements sexuels entre hommes et femmes, les différences. Est-ce que c'est quelque chose de naturel, qui est inné, que l'on a dans nos gènes? Ou est-ce que c'est notre société, notre éducation qui a mêlé tout ça et nous font réagir de certaines manières ou pas? Donne ton avis que je puisse analyser tout ça. Je t'attends au tournant. Je te citerai mes sources hein, tout de même. Ouais. Donc il y a deux grandes familles de théories qui s'opposent à ce sujet. Alors on va rentrer un petit peu dans le scientifique. Hein. Rentrons. Mais bon, l'essentialisme, donc voilà l'essence, tout ce qui est le nature, tout ce qui est notre nature, l'histoire. Les petits gènes et tout ça, c'est ça. C'est ça, tout ce qui est archaïque, hein, qui. Au fond de nous. Oui, c'est ça. Aussi. Ou le constructionnisme. Ce qui a été construit au fur et à mesure de notre évolution dans nos sociétés. Donc d'un côté, les essentialistes pensent que notre comportement sexuel, notamment, dépend de notre nature, notre essence. Il est déterminé biologiquement, autrement dit, il est inné, programmé dans nos gènes. Par exemple, l'homme présenterait un taux de testostérone 10 à 20 fois supérieur, objectivement mesurable, qui expliquerait une bonne fois pour toutes l'obsession masculine pour le sexe. Ouais, ça a bon dos les hormones. Hein. Dans ces cas-là, moi je te réponds, si on est de mauvais poil certains jours, c'est à cause des hormones? Et peut-être. Peut-être. C'est un peu court, jeune homme. Les essentialistes ont cette théorie. Mm-hmm. C'est une partie de leur théorie, justement, le côté hormonal. Bon, de l'autre côté, il y a une réalité biologique. On ne peut pas le nier. Indéniablement, nous n'avons pas les mêmes chromosomes. Oui. C'est ce qui fait notre différence au niveau de nos caractères sexuels. N'est-ce pas? Donc, est-ce que ça jouerait ou pas? Est-ce que ça déterminerait, donc justement, pour reprendre le terme... Déterminer est quelque chose de puissant tout de même. Oui. D'un autre côté, les constructionnistes, comme je disais, défendent l'idée que nos comportements résultent d'habitudes sociales acquises, construites, et que nous demeurons libres en dernier ressort d'agir autrement, notamment au lit. Les femmes ne seraient pas programmées pour faire la vaisselle ou recevoir passivement la semence de leur mari. Tu viens de m'apprendre quelque chose, oui. Dim. On peut examiner les arguments des deux camps. Les essentialistes sont souvent représentés par des auteurs à succès, qui s'inspirent de psychologie évolutionniste. Alors, je ne sais pas si tu connais le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Grand best-seller. Best-seller, qui aussi jouait... Il y a des choses intéressantes aussi. Pourquoi les hommes veulent du sexe et les femmes de l'amour? Mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ça? Peut-être qu'il faudra qu'on y réfléchisse tout à l'heure, je ne suis pas sûre. Si ce n'est plus vrai aujourd'hui, ça serait peut-être dans la théorie des constructionnistes et ça serait peut-être un effet de société. Là, on est chez les essentialistes qui, justement, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, nous ne sommes pas composés de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes besoins psychiques, hormonaux. Ils pensent implicitement que le sexe, mâle ou femelle, et le genre, homme ou femme, sont équivalents. Votre sexe détermine votre comportement de genre. La sélection naturelle aurait déterminé chaque sexe à adopter une stratégie différente, la plus efficace pour transmettre le grand nombre de gènes à travers sa descendance. Ils y ont réfléchi, hein, dis-moi, oui, pour faire des grandes phrases comme ça. C'est-à-dire, alors, si je simplifie. Allez, explique-nous. Si je simplifie, je suis un homme et j'ai besoin de me reproduire. D'accord. Et en tant qu'homme, j'ai la possibilité de féconder un nombre interminable. Allez, on va dire ça comme ça, on va être... Ça fou. Ne dépend pas que de ça, pour pouvoir féconder quand non, même. Bien sûr, on va dire que dans le monde animal. D'accord. Dans la mesure où l'homme peut féconder un grand nombre de femmes, il a intérêt de copuler avec de multiples partenaires pour maximiser ses chances d'assurer sa descendance. Voilà pourquoi nous serions obsédés par le sexe et peut-être plus infidèles que les femmes. Par la descendance, peut-être. On perpétue l'espèce, notre espèce, nos gènes qui nous appartiennent, notre héritage. Au contraire, une femme, elle peut avoir un nombre limité d'enfants. Elle porte donc ses efforts sur le soin apporté à sa progéniture et le choix d'un partenaire protecteur qui saura partager ses ressources. Donc voilà les différences homme-femme dans la construction, dans notre nature. Pourquoi pas ? C'est un peu court, c'est un peu réducteur, mais je veux bien entendre certains arguments. C'est un parti pris d'un courant de pensée. D'accord. Mais allons plus loin. Allez, ce canevas initial permettrait d'expliquer de nombreux comportements différenciés selon le sexe. Les hommes seraient des coureurs de jupons, comme je disais, chercheraient des femmes jeunes et fertiles, jugeraient sur le critère de la vue, car les signes de fertilité seraient visibles. Ah ah, ça c'est une première pour moi. Les hanches larges, qui permettent de recevoir l'enfant. Voilà, une poitrine abondante pour nourrir l'enfant. Tu crois que c'est la taille qui dépend aussi du lait qu'il va y avoir ? Encore une question de taille. C'est encore les hommes qui pensent aussi, tu sais. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Eh oui. Les signes de fertilité visibles, comme je disais. Les femmes, elles, chercheraient des hommes fidèles, jugeraient sur le critère de la mémoire, pour estimer l'honnêteté et la générosité d'un homme. Elles seraient plus psychologues pour déceler les menteurs, privilégieraient les sentiments, parce que leur taux d'ocytocine, hormone de l'attachement affectif, est plus élevé que chez les hommes. C'est ce qu'on vous fait croire. Donc c'est votre taux d'ocytocine, votre hormone d'attachement à l'affectif, qui vous titille quand vous voyez si un homme est stable professionnellement, financièrement. Oui, surtout financièrement. Après, on l'a enrobé parce que ça fait moins vénal, mais peut-être plus tordu. C'est ça, c'est une traduction moins scientifique de ce qui se passe en vrai. Donc voilà, donc les ouvrages qui parlent de l'essentialisme, impressionnent avec leur recension de différents comportements, de différences comportementales que notre expérience quotidienne semble confirmer. Mais certains faits, certes minoritaires, s'entêtent à contredire ces généralités apparemment objectives. Comment expliquer que certaines femmes soient nymphomanes ? Comment rendre compte de ces nombreux hommes au comportement efféminé ou des homosexuels, voire des transsexuels ? Si c'était la nature qui régissait tout ça. Que faire des variations culturelles avec notamment les sociétés matriarcales et patriarcales ? Un homme dans une société patriarcale est le même au niveau hormonal et chromosomique que dans une société matriarcale, pourtant ses comportements sont différents. Sur le plan philosophique, on peut encore poser la question abyssale du libre arbitre. Oula, on rentre dans de la philo. L'homme ne peut-il Attends, pas je rappelle dépasser... que notre thème, c'est moiteur et tremblement. Oui. Tu vas trop loin. Revenons un petit peu au pragmatisme. Mais oui, mais est-ce que... Voilà, la question est quand même essentielle. C'est, l'homme ne peut-il pas dépasser ses tendances naturelles ? T'imagines Heureusement, si... Heureusement, et moi j'ai envie de te dire, ouais, c'est bien beau tes théories. Oui, je suis d'accord, il y a des hormones, oui. Mais honnêtement, là où on vit, notre culture... C'est ça aussi qui nous prédispose. Je ne suis pas sûre que ce soit les hormones qui disent qu'il faut être une bonne femme de maison qui va élever ses enfants. C'est aussi le poids de notre enseignement, quand même, de ce que nous héritons de nos parents, grands-parents, de la société qui, je pense, nous forge à nous enfermer dans ces rôles-là. Et heureusement, moi, j'ai vraiment l'impression que ce que tu me décris, c'était peut-être vrai il y a 50 ans. Aujourd'hui, allez, je suis peut-être dans un milieu particulier, mais je te dirais que la moitié de mes collègues féminines sont loin, mais très très loin du modèle que tu me définis. Tes collègues féminines d'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, avec ses comportements d'aujourd'hui, mais tu dis même, il y a 50 ans, c'était différent d'il y a 100 ans. C'était aussi différent d'il y a 200 ans, d'il y a 1000 ans. L'homme, avec un grand H, en tout cas la société a évolué, et donc l'homme et la femme ont aussi évolué. Il y a une dominance encore très forte des hommes, encore jusque très récemment. Ça allait bien, ça, de dire que c'était une histoire d'hommes. Aujourd'hui, on dominait, on ne posait pas la question, et en tout cas, on ne laissait pas les femmes répondre à cette question, on dominait. Aujourd'hui, c'est pas aussi vrai. Non. J'aime beaucoup cette phrase d'un grand chanteur qui disait « Les femmes qui se laissent manger leur plaisir sur le dos ». Effectivement, je pense qu'il y a eu l'avant, la femme soumise, qui, si elle avait un orgasme, bah, c'était bien, bien heureux pour elle, mais ce n'était vraiment pas une fin en soi. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie revendication des femmes à vouloir décider, à avoir le droit de prendre son pied, de choisir son partenaire et d'avoir des comportements aussi libertins que les hommes. Mais est-ce que c'est simplement une évolution de la société qui permet ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas une nature qui n'était pas exploitée pendant un certain temps ? On parle, alors, et ça je trouve que ça conclut et ça mêle un petit peu de tout ce qu'on se dit, hein, c'est que la majorité de la population exprime le potentiel archétypal, bon, c'est des gros mots hein, de notre article, qui correspond à son propre sexe sur la base réelle d'une différence statistique de production hormonale. Les femmes développent le plus souvent leur féminité ou anima, on appelle ça de l'anima, et les hommes leur masculinité ou animus. La société institutionnalise, sacralise, normalise le potentiel féminin chez la femme et le potentiel masculin chez l'homme. Ah, tu vois qu'on est d'accord des fois. Oui, surtout en période d'après-guerre, comme pour repeupler le pays. Ça a été politique aussi à une époque. C'est vrai. Inversement, l'archétype du sexe opposé en nous serait plus ou moins refoulé. Par exemple, sur le plan statistique, les hommes ne développent guère leur potentiel sentimental. Les gens se moquent généralement d'un homme efféminé ou homosexuel. Réciproquement, chez les femmes, le mot « salope » constitue une insulte parce qu'il s'agit d'un potentiel refoulé, mais bien réel, de l'animus dans la femme. C'est-à-dire que l'homme a un potentiel anima refoulé, qu'il tend de plus en plus à exprimer, parce qu'aujourd'hui on lui laisse peut-être la place, ou il sent qu'il a besoin de l'exprimer. Et inversement, la femme qui avait un côté animus refoulé, qu'on obligeait à refouler pendant une longue période, aujourd'hui, l'utilise volontiers pour évoluer. Donc, ça change, et tant mieux pour nous. Tant mieux pour tout le monde, je crois, quand même. Mais tu vois, tu parlais de... Alors, dans tes grands mots, animus, tout ça, mais derrière, bon, on parle de virilité. C'est qui porte le caleçon ? Et aujourd'hui, franchement, on connaît combien de nanas qui sont souvent plus viriles que certains mecs ? Mais bien sûr. Et qui c'est décide, elle ? Une révolution sexuelle. On est dans cette... alors, qui a pris différents tournants ces 50 dernières années. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose de pas encore bien assis. On va continuer à vivre dans le flou pendant un certain moment. Quelle est notre place actuellement, nous, les hommes ? À quelle place on s'accroche et des fois on est assez trop. Con quand même. Et puis vous avez aussi une place à prendre que vous prenez volontiers en nous mettant des coups de pied au cul régulièrement et ça nous vexe quand même. Parce ouais, parce que c'est susceptible un homme. Oui, on est encore dans cette période de susceptibilité. Mais ça va changer, ça va évoluer. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais ça nous donne plein de thèmes d'émissions sur et de choses à apprendre, à échanger, à réfléchir tous ensemble. Moi, je pense qu'effectivement, rien n'est défini et heureusement, ça va nous donner plein de sources de discussion. Eh bien, je vous laisse avec Anaïs qui a retrouvé son mojo. Brûlure d'une bougie. tu vois que les femmes, elles assument et elles se revendiquent. Elles assument de plus en plus, mais autant dans des sociétés secrètes. On se réunit entre filles, on se réunit entre mecs. Et pourquoi puis on parle. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes quand même de moins en moins secrète sur le sujet. Oui, alors bon, pour ceux qui me connaissent, ma mauvaise foi me caractérise, mais je vais admettre une chose. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et la preuve en est, moi je pense et je suis persuadée que les discussions entre filles sont beaucoup plus trash et sans tabou. Voire, je pense, enfin certains se reconnaîtront, mais que nous pouvons choquer très facilement certains hommes qui laissent traîner leurs oreilles dans nos discussions que nous ne cachons pas derrière. Ils sont choqués par le côté trash ou par le côté surprenant de l'image qu'ils ont de vous, des princesses, hein, on n'oublie pas, et que le trash est moins précieux que le côté plutôt... Moi, sensuel. Je crois que ce qui surprend toujours, c'est à quel point on est capable de donner des détails, nous, les femmes. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, on est des menteuses, on peut exagérer certaines choses, mais quand on discute de cul, souvent, on a une grande honnêteté. Et on dit les choses comme elles sont. On n'enrobe pas tant que ça la réalité. Si vous surprenez la discussion de deux nanas sur la taille du... de l'organe, de leur compagnon, ça vous surprendra très certainement. Je pense qu'elles sont beaucoup... Elles mettent beaucoup, beaucoup moins de fleurs que les hommes dans leurs discussions. En parlant de taille, et c'est vrai qu'on se posera des questions essentielles, on essaiera d'y répondre après. C'est vrai, je te rejoins, où vous êtes beaucoup dans le détail et assez précise. C'est peut-être ça qui nous gêne en même temps, c'est que vous arrivez à nous scanner vraiment de haut en bas et en profondeur, si je puis dire. Alors que nous, justement, on ne va pas forcément parler de la taille de votre vagin. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à la mesurer, pour certains. On n'aurait pas une règle assez grande, c'est ce que tu veux dire? C'est ce que je sous-entends, exactement. Je sens que tu te sous-entends. Non, mais c'est vrai que c'est un détail où on en parle très peu. C'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus pudique. Alors même si les hommes peuvent parfois se vanter sur leur conquête, sur le nombre de jeunes femmes qu'ils ont pu avoir dans leur lit, j'entends rarement donner des détails scabreux comme les femmes donnent. On va plutôt être d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire la durée. Non, d'un point de vue collectionneur. La géométrie. Et puis le nombre. La le collection, nombre. Toujours, le nombre. Toujours, on revient toujours. Et puis le temps. La longueur, et oui, c'est toujours la nôtre. En fonction de vous, c'est votre performance. Alors que c'est vrai que nous, peut-être un petit peu plus dégagés du côté performance, quand même, à part certaines acrobaties réservées à certaines... Au cirque du soleil. Voilà. C'est vrai qu'on peut se permettre de partager des détails plus croustillants, je suis d'accord. Mais qui, en général, concernent plus facilement l'homme. Enfin, l'homme ou la femme, notre partenaire, on va dire ça comme ça. Et est-ce qu'il y existe encore des femmes qui sont choquées tout de même de ces discussions-là, qui restent encore pudiques et secrètes? Alors certainement, peut-être moins dans mes connaissances, puisque oui. Forcément... Hein, ah, je les pense réseaux que... de socialisation alors voilà. Sont importants. Effectivement. Après, le choix de notre heure veut dire aussi quelque chose. Je pense qu'il y a un certain âge aussi pour ce genre de discussion. Plus on gagne en maturité, il n'y a pas que les rides hein, qu'on gagne. C'est aussi l'assurance de ce qu'on vaut au lit en tant que femme et qu'on peut libérer notre parole. Je crois qu'il y a ça. La jeune fille, bien que... J'avouerai que de nombreuses jeunes filles n'ont pas à rougir de leur performance et commencent très vite et de façon très compétente leurs relations sexuelles et amoureuses. Mais resteraient plus secrètes. Mais je pense que le partage est plus... Ouais, demande quand même une certaine solidité de la part de la femme. Effectivement, je pense que... Mais comme dans tout, hein, il y a des hommes très pudibonds aussi. Peut-être plus des femmes, ça reste un débat. Tu parlais de maturité, tu parlais d'âge aussi alors. Oui. Est-ce que tu verrais que ces discussions est proportionnellement inverse chez l'homme et chez la femme en fonction de son âge? Est-ce que le jeune homme parle plus que l'homme plus mûr? Alors on va peut-être tomber dans les caricatures, effectivement. Oui. Je pense que de la même façon, le jeune homme a plus besoin de prouver sa virilité, de se rassurer. Pour devenir mâle dominant. Voilà. Donc on reste dans la nature alors. Un petit peu d'animal. Animus. Vous voyez, même le nom, j'arrive pas à le retenir. Il y a des résistances. Donc oui, je pense qu'effectivement, le jeune homme a tout à prouver, et surtout à lui. Donc il va sans doute parler et se vanter beaucoup plus. Alors que j'ai l'impression que plus l'homme gagne en confiance, moins il a besoin d'en parler. Puisque la sagesse va dominer. Alors que la femme, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Pour se rassurer plus tard ? Ben, en fait, je pense que comme elle n'est pas sûre d'elle, elle ne va pas en parler tout de suite, la femme. Il va falloir un petit peu d'expérience pour pouvoir échanger avec ses copines. Et ses copains, qui sont certains très ouverts. Et est-ce que ça change, ça, quand on discute entre copines ou entre copains ? On se donne des astuces, on se donne des idées. Moi, ça me perturbe un peu, je me dis, mais au final, ça voudrait que je pense à mes potes pendant que je tente des trucs. Non ? Alors, ça dépend comment tu penses à lui. Est-ce que ça te fait comme effet à ce moment-là ? Mais imagine un peu si on était que sur la dimension tout de même de la performance. Si on ne pensait qu'à la performance, pendant l'acte, on penserait qu'à ça. Et on penserait à notre réseau de socialisation qui nous emporte dans la performance. Je pense un peu que... comme si tu voyais au moment où tu es dans l'acte avec la personne, tout un groupe autour de toi qui te conseille, qui te coach. C'est vrai qu'il y a moyen que Mais ça je pense fasse que partir. Ça n'arrive pas forcément. Je pense qu'on en parle plus comme ça en groupe, mais il y a tout de même le romantisme. T'es bien un homme dans ces cas-là, le romantisme. Non, c'est mon anima qui parle. Ouais, ouais, mais moi j'ai l'impression que les hommes sont plus romantiques que les femmes depuis quelques temps. Donc pendant l'acte, on n'en saurait pas à être... à se dire je vais faire comme les copains m'ont conseillé, je vais être performant, je vais aller leur faire un rapport ensuite de ce que j'ai gagné, de ce que j'ai réussi. Mais on réussit tout de même à se laisser aller et à se laisser emporter par le partenaire avec qui on est, pas juste par notre performance. Après, je pense que comme l'orgasme de la femme est peut-être plus difficile au début à trouver, c'est peut-être pour ça que les femmes échangent plus sur ce domaine-là, pour pouvoir effectivement, dans une forme de solidarité, se donner les petits conseils pour pouvoir aussi s'écouter. Je crois que c'est important. On a parlé taille, on a parlé orgasme, oui. On a parlé performance. Eh bien, on aura un petit jeu de questions-réponses ensemble ensuite pour essayer d'y répondre, d'émettre des hypothèses et puis peut-être qu'on aura nos auditeurs vous faire réagir. Qui réagiront. En tout cas, on a déjà quelques messages sur notre page Moiteur et Tremblement, notre page Facebook. Ils nous font bien plaisir. N'hésitez pas, vous êtes toujours sur Moiteur et Tremblement, RQC 95 FM. On se retrouve après Stromae, tous les mêmes. Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Effectivement, cette musique reflète bien les caricatures qui sont jamais trop loin quand même de certaines réalités. On est encore dans la caricature parce qu'on se cherche. Donc on cherche par... Mais je me dis, c'est vrai qu'à force de revendiquer que vous êtes tous des salauds et des machos, on en oublie peut-être un peu de balayer devant notre porte, nous les femmes. Et comment on appelle ça, cette méthode où tu répètes toujours la même chose pour essayer de provoquer le changement ? Je ne vais pas dire que c'est la méthode couée ou au contraire, on se répète ou on pourrait dire nous. Non, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas que des salauds. Et on se répète ça toute la journée ça, pour arrêter d'être un salaud. Mais est-ce qu'il y a tant de salauds que ça ? Moi, je... Enfin, après... Mais est-ce que votre technique, c'est justement qu'on n'en vient pas... De vous pas... faire croire ça, ouais. Pour vous faire culpabiliser, pour pouvoir dominer. Moi, je pense très sincèrement que les femmes sont très tordues et qu'elles sont très manipulatrices. Mais en même temps, ça vous dérange pas toujours d'être manipulé dans certains moments. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, après, on a quand même des hommes qui profitent de la situation. Autant, il y a certaines femmes qui ont beaucoup plus de force, de caractère et qui savent ne pas se faire marcher sur les pieds. Et certains hommes aiment ça ou évitent ce genre de femmes et se dirigent plus vers celles qu'on va pouvoir manipuler. Et certaines encore aujourd'hui se font manipuler. Mmh. Se font avoir par de gros salauds. Après, je pense qu'il y a deux types de consommables. Comme je dirais pour les hommes, hein, il y a la femme que tu désires, mais plus pour des soirées et au lit, et la femme que tu présentes à tes parents. Je ne sais pas si l'inverse est vrai. Est-ce qu'il faut avoir deux femmes alors ? Au minimum. C'était une grande blague, ça. Pour être heureuse, ma fille, choisis un homme qui soit courageux, choisis un homme qui soit fidèle, choisis un homme qui te fasse rêver et surtout fais que les trois ne se rencontrent jamais. Oui, c'est vrai. C'est une Moi, bonne je pense qu'effectivement, c'est dur d'être comblé peut-être. On a des conseils de mère en fille alors, et les conseils de père en fils. Oh ! Alors... Est-ce que justement, ça manque peut-être pas assez pour voir le nombre de dégâts des hommes au début dans leurs relations sexuelles et amoureuses, dans leurs déboires ? Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été assez coachés ? Par papa ? Ouais. Ou par maman même ? Ah non, c'est ça. Non, on a dit, même si c'est une heure tardive, on parle pas de ça, c'est sale. Voilà, il y a du trash et du sale, ouais. Et nous, on va pas dans le sale. On reste dans le trash. Allez, quelques questions, on s'est posées tout au long, on va essayer d'y répondre, prendre un petit peu de temps. La taille, ça compte ? Alors, la taille des seins, la taille du sexe, la taille du vagin. Effectivement, la taille, même la taille en homme, un homme plus petit qu'une femme. Est-ce que tu peux préciser ta question, Dimitri ? Eh bien, au final, c'est toi qui l'as précisé, en ouvrant plein d'autres. Donc, la taille homme-femme, un homme plus grand, plus petit, de même taille. Effectivement, je vais faire plaisir à un certain collègue qui se reconnaîtra en disant que je pense que c'est plus facile pour le mâle alpha caricatural de la pub Kouros pour le parfum. L'homme bien bâti et fort et grand aura forcément plus de facilité à séduire la femme, ça c'est évident. Après, je crois que heureusement, même... Même le plus vilain peut se taper des très très belles femmes. Hein. On parlait de Gainsbourg, on a quand même ouvert sur Gainsbourg qui n'était quand même pas très beau objectivement, mais qui avait un charme dingue. On en compte plein des exemples comme ça. Je pense que effectivement, la sexualité de la femme passe aussi par son cerveau. C'est pas le chemin le plus court, on est bien d'accord. Mais pour qu'on puisse être excité, il faut aussi qu'on nous fasse rire. Et je pense que le dicton « femme qui rit à moitié dans ton lit » est vrai. Mais heureusement, même un homme petit, s'il a de l'humour, s'il a du charme, arrivera à ses fins. Après, on peut revenir sur la nature. Et c'est vrai qu'au niveau de la nature, si on prend une proportion, il y a plus forcément des hommes ont une taille moyenne plus importante que les femmes. Oui. Donc on parle taille toujours, la taille du pénis. Est-ce important, parce qu'on parle d'orgasme, pour atteindre l'orgasme, allez, dans un premier temps, vous donnez du plaisir. Est-ce que la taille et la largeur, parce que taille, c'est longueur et largeur. Tu vois, là encore une fois, tu te trompes, parce que tu me parles de plaisir et tu me parles de pénis. Je te répondrai encore une phrase... Ah, c'est vrai, qui dit « il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des mauvaises langues ». Heureusement qu'il n'y a pas qu'avec le pénis que nous pouvons prendre notre plaisir. Mais après la taille, moi je dis toujours, il y a une norme, il y a un minimum et un maximum. Là aussi, on va rentrer dans la... Que chacune peut accepter. Effectivement. Encore une fois, et là on parle justement de largeur et de longueur d'un vagin qui est différent d'une femme à une autre. Et l'idée c'est de... Et de détente. Moi je crois que la détente est aussi très très importante. Oui, effectivement. Donc l'idée c'est de réussir à bien se détendre. Voilà. Et à se donner du plaisir de mille façons différentes. Mille et une. Mais c'est vrai qu'on est toujours cette course. Et pourquoi cette course à l'orgasme féminin? Bah parce que c'est tellement bon. Et effectivement, hein, les statistiques, hélas, je ne suis pas homme, je ne peux pas comparer, mais toutes les statistiques disent que l'orgasme féminin est plus important que l'orgasme plus intense. Alors je vais justement te donner des statistiques. L'homme hétérosexuel sont les plus nombreux à connaître l'orgasme, 95%. Parce qu'il est nécessaire à la copulation, à la procréation. Il est plus facile à atteindre aussi. Ils sont suivis par les hommes gays, 89%. Ça m'étonne quand même que les hommes gays, parce qu'ils ont quand même une réputation, je parle bien de réputation, d'être des consommateurs de sexualité plus débridés. Mais on parle d'atteinte de l'orgasme, donc la jouissance et l'éjaculation pour l'homme, qui au niveau mécanique est beaucoup plus facile que mécaniquement pour une femme. Là on est dans la mécanique. Allez, on la mécanique des fluides. Oui, la mécanique. Les hommes bisexuels, 88%. Et ensuite, on a les femmes lesbiennes qui arrivent à atteindre l'orgasme à 86%. Et en dernière position, c'est un peu... Ah non, je ne vais pas dire triste, tu vas me dire ce que t'en penses. Si, moi je trouve ça triste. En dernière position, les femmes hétérosexuelles sont 65% à connaître l'orgasme. C'est-à-dire qu'un homme 65%, hétéro... 65%, c'est quand même triste. Si, c'est triste. Parce que 65%, quand tu sais... Oh, combien c'est bon un orgasme féminin, et que tu te dis qu'il y a quand même un gros pourcentage de cette population féminine qui en est privée, c'est très très triste. Alors il en est privé pourquoi? Alors peut-être qu'elle ne se l'autorise pas aussi. Il y a de ça, oui, comme tu dis, on ne se l'autorise pas. Il y a beaucoup pas. De barrières, je pense encore chez certaines femmes. Voilà, c'est plus ou moins long. Si on suit tes statistiques, ça voudrait dire aussi... qu'une femme est plus douée pour faire prendre son plaisir à une autre femme qu'un homme. C'est ça vrai. Serait un peu inquiétant. Mais je pense qu'il y a une question de connaissance de son propre corps qui est importante, et je pense que deux femmes qui s'explorent peut-être sont plus à l'écoute de son corps et du corps de l'autre, parce qu'ils se ressemblent. Et donc peut-être qu'ils font le parallèle avec le leur, et ça développe leur capacité. Alors ça, oui, peut-être, mais je trouve que c'est un argument un peu facile. Moi, j'aurais envie de dire que peut-être qu'une femme qui s'autorise déjà à explorer son homosexualité est déjà un peu plus ouverte, donc plus attentive à elle-même, et c'est donc vrai. Peut-être plus propice à prendre son pied. C'est vrai. Donc voilà un petit peu cette question. Donc bon, allez, on va passer à autre chose que la taille tout de même. On va pas s'attarder là-dessus. Les préliminaires, on a dit que c'était important. Voilà, l'endurance. C'est important. Oui, c'est important. Après, on n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau non plus pour pouvoir prendre plaisir, heureusement. Mais effectivement, c'est... Alors, je ne sais pas si je dirais l'endurance ou la coordination des deux. C'est ça. Et je pense qu'il y a plusieurs temps dans l'acte. Il y a le préliminaire, il y a l'acte en soi-même, et il y a la suite. Mmh. Et puis, si l'homme a réussi à atteindre l'orgasme et pas la femme, eh ben, on peut tout de même continuer à l'y aider et pas s'endormir. Comme un gros macho. Voilà, non, donc... c'est surtout plus le temps que ça prend, et il faut que ça soit suffisant pour tout le monde. Voilà, et heureusement, il y a plein d'outils aujourd'hui, et messieurs, si vous ne pouvez pas tenir en temps, faites-vous aider. Une émission spéciale, une émission, on aura justement cette orientation autour du sextoy. Un homme, silence ou Tarzan pendant l'acte? Est-ce qu'il faut... Alors, complètement silencieux, ça doit être quand même très très perturbant, soyons clairs. Après... en off, on va vous raconter un peu les coulisses de comment on a préparé l'émission. On cherchait quelques petits bruits, petits à mettre, et on se rendait compte que quand on cherchait les sons attachés à tout ce qui était sexuel, on tombait forcément sur des orgasmes féminins et qu'on a eu du mal à trouver un son d'orgasme masculin. Et force est de constater qu'a priori, ce qui fait plus facilement l'unanimité pour l'excitation, c'est l'orgasme féminin, même chez la femme. Alors que le son de l'orgasme masculin, ça dépend, il faut vraiment que l'homme... Après, je vais te renvoyer aussi la réponse. Est-ce que ça ne peut pas vous bloquer certains hommes, certaines femmes qui vont faire des vocalises? Oui, exactement. Oui. J'ai une voisine qui fait des vocalises régulièrement. Et voilà, je me dis, mais ça doit être perturbant. Oui, je pense qu'il faut rester quand même concentré. Après, voilà, on a les deux exemples. CF, une petite discussion qu'on a eue dans notre bureau. C'est vrai que d'entendre certains voisins, je pense qu'il y a certains bruits de voisins, d'orgasmes de voisins qui vont nous exciter et d'autres qui vont nous faire rire. Oui. Que ça dépend de la tonalité, ça dépend de notre réceptivité, mais la tonalité aussi est assez importante. Si je n'y arrive pas, moi, homme, mâle, je n'arrive pas à atteindre l'orgasme, est-ce que je dois simuler? Est-ce que vous pouvez vraiment simuler? Grosse question. C'est une question de grimace, tu sais. Ouais. Voilà, on se retire, c'est terminé. Moi, j'ai l'impression que la femme se prendra beaucoup plus la tête si l'homme ne prend pas son pied, parce que ça part d'un présupposé. Mmh. On fait l'amour, l'homme doit éjaculer. Alors que, déjà, je pense que la femme est devenue maître dans l'art de faire croire qu'elle peut prendre son pied. Et je ne suis pas sûre que tous les hommes, j'espère de plus en plus, mais que tous les hommes s'en préoccupent. Le point G, il est où? Un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Mais... est-ce que l'homme... est-ce un mythe ou une réalité? Est-ce que c'est l'homme qui le trouve? Est-ce que c'est la femme qui indique? Est-ce que la femme connaît? Est-ce que c'est bien de l'explorer à deux aussi? Est-ce que la femme connaît? Est-ce qu'il est toujours au même endroit? Est-ce qu'il est toujours au même endroit? Hein? Bonnes questions quand même tout ça. Il est filou, hein. Non, moi je pense qu'effectivement, plus une femme va se connaître avant, plus elle pourra orienter son partenaire. Mais de la même façon, un partenaire qui est sûr de lui va pouvoir être à l'écoute de la sensibilité de la femme et se laisser guider très naturellement. Et s'il ne trouve pas, c'est vrai qu'un peu d'humour et chercher ensemble, je trouve que c'est idéal. Parce que quand on cherche, on trouve. Allez, quelques statistiques, quelques réponses à des questions qu'on peut se poser autour du désir, de la sexualité. Et puis on se retrouvera, après une petite coupure musicale, pour la fin de notre émission. Tu nous offres quoi comme petite détente musicale? Comme détente musicale, je vous proposerai Cunilingus, mon amour. En parlant de point G. L'âge moyen du premier rapport sexuel aujourd'hui en France est de 17 ans. Le pays qui compte le plus d'infidèles, la Norvège. Ah oui. Enfin, qui comporte pas mal d'infidèles. Qu'ils le reconnaissent surtout, au moment des statistiques, soyons clairs. Combien de Français ont déjà fait l'amour dans un jardin public, ton avis? Beaucoup, j'espère. 28%. C'est tout. C'est pas mal déjà. 28% ont déjà fait dans un jardin public. Oui, c'est là où nous voyons nos différences. Puis qu'est-ce qu'on appelle jardin public? Voilà, d'abord. Hein. Après, de jour ou de nuit? C'est ça. Soyons clairs. Mmh. Hein, parce que de jour, jardin public, les enfants, non, ça c'est interdit, ça se fait pas. On a dit qu'on ne disait pas ça. Une forêt ou vraiment le parc sans cachette code? Voilà, gardons un tout petit peu d'intimité, dans la pénombre. Alors, pour pimenter leur désir, les Français préfèrent l'huile de massage. maintenant pu penser au sextoy ou autre. Et maintenant, l'huile de massage... Est-ce que c'est pas plus accessible aussi l'huile de massage que le sextoy? La question était de savoir comment est-ce que tu préfères acheter ton vibromasseur. Et effectivement, la réponse est par Internet. Ah, tu vois, je commence à te connaître, Dimitri. Je ne parle pas de moi, là, c'est des statistiques généraux. Arrête, dis la vérité. Je ne suis pas les 28%, hein, moi, tout seul, je veux dire. Enfin, pardon, bref. Une mauvaise nouvelle pour nous, les Belges. Oui. Oui. Nous serions une des nationalités les plus... Ah non, bonne, je me trompe de question. Ah oui, bonne nouvelle. Il a du mal. Les Belges sont une nationalité qui est la plus satisfaite de sa vie sexuelle. Après, il y en a qui se satisfaisent avec de peu. Pas grand-chose. Et alors? Et alors, du moment qu'on est heureux. C'est vrai, c'est le principal. C'est le but de notre émission quand même. On reçoit en France, en moyenne, un cours d'éducation sexuelle à 13 ans. Alors ça, c'est une vaste blague. Tôt Excusez-moi. Ou tard. Oui, et puis il faut voir ce que c'est que l'éducation sexuelle. Alors quand c'est donné par une femme qui n'a jamais dû connaître l'orgasme ou qui a des toiles d'araignée où je pense, ça fait doucement rire. On aura un moment Tard, beaucoup trop tard à mon goût. À un moment de l'année, on parlera justement d'éducation sexuelle des ados, des enfants, voilà, des jeunes adultes, et ça nous aidera. Et pour le coup, la Norvège est très en avance sur nous. Eh bien, on prendra ce modèle. Et c'est vrai qu'on nous explique beaucoup sur tout ce qui est médical, maladie, grossesse. Non, on ne parle pas du plaisir, c'est très sale. Très peu. Vous allez devenir des salopes si vous prenez du plaisir. Allez, l'endroit où les gens changent le moins souvent de partenaire, c'est en Asie. Pourtant, ils ont du choix. Ils ont du monde, mais ils sont fidèles. C'est bien. Ils restent, voilà. Allez, on se retrouve juste après avec Dionysos Cunilingus, mon amour. Ta langue a fourché. Bravo. Mon hamster se prénomme Cunilingus, et croyez-le ou non, mais ce gus a tendance à se prendre pour un homme. Je me demande comment il s'y prend, mais il se prend toujours des femmes qui viennent lui chuchoter. Cunilingus, mon amour. Elles s'éprennent de lui. Ça ne les surprend pas. Et elles se lèvent la nuit pour se faire parfumer entre leurs jolis doigts. Est-ce qu'il adore s'épandre à ses barreaux? Voyez trop forcer la dose de parfum pour Cunilingus qui se prend de plus en plus pour un homme. Jackson peut aller se ravier. Va te ravier, Michael. Oh, yeah. Hamster se prénommait Cunilingus, et croyez-le ou non, mais ce Gus se prenait vraiment... Alors, Cunilingus, est-ce qu'il faut rendre la politesse? Est-ce qu'on parle un petit peu de, justement, la caresse buccale des femmes sur vos organes? Tu veux parler de turlute? De pipe? De petite pipe. Ah oui. Hein? Est-ce qu'on est encore dans le préliminaire? Est-ce qu'on est déjà dans l'acte sexuel? Il y a un art, quand même, de tailler la pipe. Soyons clairs. Ah bah alors là, je t'écoute. Mais il y a un art du cunnilingus aussi. Hein. Ah ça, encore plus. Alors... Encore plus. Je pense qu'effectivement, il faut être plus expert pour bien faire un cunnilingus. Donc on prend du temps aussi ou on donnera rendez-vous pour... On va vous laisser réagir sur ça, mais sur la turlute. Alors la turlute. Je pense que, allez, on va pas citer nos sources, hein, mais on avait des personnes qui nous ont témoigné de certains souvenirs douloureux, de turlute mal faite, trop vite faite, ou peut-être. Voilà, je pense que ça, ces petits moments qui sont censés être coquins et qui, par moments, se transforment en gros moments de solitude pour certains hommes et certaines femmes qui se sentent dépassées par ce moment-là. Donc après, ça rejoint aussi la question de certaines jeunes filles en fleurs. Hein. Est-ce que je suce au premier rendez-vous? Et surtout, est-ce que j'avale? C'est ça. Je suce, mais jusqu'au bout du bâton. Non mais, et encore une fois, jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, est-ce que j'avale ou pas? Grande question, grand débat philosophique qui, je pense, mériterait presque une émission à elle toute seule. Et je vais mettre dans la peau d'un homme. Je m'y attends pas forcément à ce que ça aille au bout. Et je m'attends pas forcément à ce qu'elle avale, recrache ou laisse éjaculer dans les draps. Et qu'est-ce qu'on fait après quand c'est arrivé au bout et qu'on est juste au préliminaire? Après, je pense qu'effectivement, l'ouverture d'esprit de l'homme en face de nous peut vraiment être différente. Il y a l'homme qui va considérer que avaler est forcément signe d'une grande ouverture d'esprit, on va le dire comme ça, et de certaines signes extérieurs de filles faciles, d'autres hommes qui vont considérer que c'est aussi aller jusqu'au bout de cet acte-là. Que c'est aller jusqu'au plaisir et respecter le plaisir de l'homme jusqu'au bout. Moi, je pense que, encore une fois, je vais botter en touche et je vais dire que c'est une question de couple et que c'est à deux que ça se... effectivement, que ça se définit. Mais alors, préliminaire ou pas? Ou acte sexuel? Parce que préliminaire qui arrive jusqu'à l'éjaculation. Est-ce qu'on est toujours dans la... Alors, est-ce qu'on est toujours question dans la de sémantique? Question de sémantique ou pas? Moi, je crois que la sensualité et tout ce qu'on va en dégager derrière ces caresses buccales qui peuvent aller jusqu'au bout, oui, ça commence par un préliminaire. Après, on peut imaginer que même si il y a éjaculation, la relation sexuelle n'est pas finie. On remet le couvert, on voilà. Fait une petite pause. Pour mieux repartir. Alors ça, c'est possible. Alors je ne vais pas dire que je suis la caution scientifique de cette émission. Mais ce qui s'appelle la période réfractaire est à prendre en compte. Ah, explique-nous. En fait, il va nous faire... Monsieur Dico. C'est, tu te rappelles voilà, du film où tout à l'heure, en début d'émission, tu disais est-ce qu'il faut partir chargé ou déchargé? Il y a la technique de, on va dire, des éjaculateurs précoces ou rapides. Des jeunes hommes très sensibles. Ou autres même qui veulent vraiment être beaucoup, beaucoup plus longs, se disent « je vais me masturber avant et jouir une première fois, comme ça je serai plus long au deuxième moment. » Deuxième round. Ça, c'est bien, ça peut marcher. Le problème est, est-ce qu'on est dans un problème d'érection, un problème d'éjaculation? Voilà, il faut vraiment déterminer le problème de pourquoi on se trouve trop rapide, parce qu'après c'est peut-être juste une question d'ego, on n'est peut-être pas si rapide que ça, si le temps est suffisant pour la partenaire, c'est très bien. Mais en fait, pendant ce moment, cette éjaculation, le pénis est moins sensible par la suite. Ce qui est dommage de perdre en sensibilité si c'est pour gagner en durée. Voilà. Est-ce que c'est pas dommage de dire « j'ai réussi à tenir un quart d'heure, par contre j'ai rien senti ». C'est quand même un peu con. C'est dommage. C'est un peu d'accord. Con. D'accord. Faut savoir aussi que, après, avec l'âge, oui. Et puis avec justement le taux d'hormones, hein, parce que tout ce qui est plaisir, éjaculation, érection, et les hormones qui régulent aussi ça, eh bien avec le temps, avec l'âge, la période réfractaire augmente. C'est-à-dire que si tu te dis, voilà, 5 minutes avant, je vais m'en toucher une petite... Tu dis ça comme ça, toi. Oui, je m'en touchais une petite 5 minutes avant, et puis voilà, t'es jeune, fougueux et viril, et puis 5 minutes après, c'est reparti. Plus vieux, c'est possible que ça prenne plusieurs minutes, plusieurs heures, et ça peut être plusieurs vexant jours. Pour la femme, très c'est-à-dire, très vexant. Voilà, c'est-à-dire que, eh bien, ça peut durer longtemps, mais c'est surtout pour que je rebande, que ça va prendre du temps. Et là, ça peut être très frustrant, comme tu dis. Parce que madame, je pense que si elle peut mal très prendre. Attentionnée de son partenaire, elle pourrait le prendre pour elle. Ouais. Alors que c'est vous qui avez tout gâché juste avant. Donc parlez-en surtout. Parlez de ce que vous ressentez. Et puis comme tu dis, c'est fini d'un côté, mais c'est pas forcément fini de l'autre. Hein, on est deux. Et oui. Très bien. Eh bien, nous approchons 23h30, la fin de notre émission. On va peut-être faire juste un petit coucou et citer quelques commentaires qui nous ont bien fait sourire et qui, je trouve, j'allais dire, mettre le doigt sur notre propos. Allez. Allez, on repart sur la fin d'émission, effectivement. Vincent qui nous dit que le premier round à blanc, c'est pour les moins de 30 ans. Donc ensuite, il est d'accord avec toi. Il est d'accord avec moi. 28% dans les parcs publics, c'est beaucoup, je trouve. Voilà. J'ai dit, ça dépend de l'heure. Oui. Ellie, mais non, une pipe, ça a l'air bien plus dur. Apparemment, ça serait plus dur à faire qu'un cunnilingus. On parlera cunnilingus la prochaine fois. Oui. Et peut-être qu'il nous donnera des techniques pour que ça soit de facile. Comparaison. Allez-y. L'orgasme féminin, c'est ce qui va permettre qu'elle te rappelle pour une deuxième session. Ah, donc vous voyez, les hommes. Ça vaut le coup. Pour Vincent, persévérer. Pour le pénis, la taille de deux doigts suffit. Très bien. Si ça te rassure. Les hommes ont du mal à dire la vérité sur leur performance, au risque de perdre la face par rapport aux autres. Il y a une certaine prestance à garder, c'est ce qu'on se disait aussi. Alors que je crois qu'effectivement la femme peut assumer beaucoup plus cette vautrée, avoir fait une connerie au lit et pouvoir en rire. Et comme on en parlait en début d'émission, ils pensent qu'il y a même des femmes qui commencent à apprécier le côté féminin des hommes. Effectivement, sinon il n'y aurait pas de plus en plus de, comme on dit, métrosexuels, c'est ça, les hommes qui s'assument et qui... Et oui, les hommes, assumez votre côté féminin, surtout si c'est pour nous aider à prendre notre pied. Aurélie qui nous laisse des messages aussi, qui en entendant le titre de Dionysos et Cunnilingus, mon amour, nous donne un exemple, le titre qui nous parle de Turlute, l'artiste c'est « Mes souliers sont rouges ». Et ben le c'est titre ce que... c'est « Quand plus ne va ». Plus rien ne va. Quand plus rien ne va. Nous le cherchions tout à l'heure. Merci Aurélie, tu vois, tu as devancé mes pensées. Eh bien, nous le passerons sur une prochaine émission. Effectivement, Johan nous dit « Eh oui, par expérience, les femmes sont bien plus trash, c'est un fait. » Oui, il subit. Et que dans les bureaux, effectivement, il subit les discussions de nana envahissantes. Alors peut-être que c'est juste la déception que ça ne soit que des discussions. Mais bon, ça c'est un autre débat. On ne sait pas, on ne connaît pas Johan, il nous présentera ses collègues. Avec impatience. Et Aurélie qui nous dit aussi en début d'émission, on parlait de longueur, il disait « Ah, la longueur !» Et moi de lui rajouter « Et la largeur !» Oui, parce que c'est pas tout. Et Alain, qui était intéressé, alors on n'a pas pu répondre à ses questions, parce que ça sera justement dans une prochaine émission. Les conseils père en fils, j'écoute. Ah, j'ai un très très bon exemple que je vous garde pour la prochaine fois en haleine. Mais effectivement, j'ai un très bel exemple à vous donner et je pense qu'il devrait être donné à tous les hommes. Allez, on se passe Nina Simone, Feeling Good, et on se retrouve juste après. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good.